La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On peut dire de Joseph Kessel qu'il ne tenait pas en place 3 ou 4 mois dans un même endroit et il avait atteint sa limite. Il faut dire que ses parents, originaires de Russie, l'avaient fait naître en Argentine, puis avaient fait des allers-retours entre la Russie et la France, si bien que Kessel a été très tôt comme voué au voyage, qu'il s'est dédié à l'aventure et qu'il a mis tout cela en récit, comme Gilles Rey nous l'a expliqué lundi. Kessel était écrivain et journaliste à une époque où la frontière entre ces deux métiers était peut-être plus floue qu'aujourd'hui. Un journaliste et un écrivain donc qui partaient d'une même expérience vécue pour écrire à la fois des articles et des livres dans une logique feuilletonnante. Ainsi que nous l'a expliqué hier Serge Linkès, maître d'œuvre de la Pléiade Kessel qui vient justement de paraître. Et puis demain pour terminer, nous serons en compagnie d'un autre journaliste écrivain en la personne d'Olivier Weber qui viendra nous parler notamment du livre Le Tour du Malheur de Kessel ainsi que de la question de la foi, de l'enchantement et du désespoir dans la vie et dans l'œuvre de Kessel. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de ses grands reportages, mais également de son amour pour Germaine Sablon, et en particulier à l'époque de la Résistance, nous sommes avec l'historienne Dominique Missica, autrice de plusieurs ouvrages sur la France pendant l'occupation, dont L'institutrice d'Isieux au Seuil en 2014. On lui doit également le livre Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs en 2018 dans la même maison d'édition, maison où elle publie aujourd'hui Un amour de Kessel sur l'amour entre lui donc et Germaine Sablon, vedette du musical rencontré dans un cabaret de Pigalle en 1935 et avec qui il fera partie de la Résistance. Nous allons parler de ces deux amants hors du commun, de ces deux stakhanovistes de la fête, car ils étaient aussi ceux-là. Mais on va d'abord évoquer le grand reporter qu'était Kessel, car les éditions Taillandier, dont Dominique Missica est directrice éditoriale, publient depuis plusieurs années les reportages de Kessel. Et justement, de nouveaux volumes de ces reportages paraissent ces jours-ci, ce qui fait en tout 6 volumes parus dans la collection Texto de ces éditions Taillandier. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Il n'y a pas une telle, à mon sens, une telle différence entre l'écrivain et le journaliste. Quand vous faites un reportage, je ne parle pas, et même là, pas le reportage à chaud, c'est-à-dire qu'il faut télégraphier ou téléphoner tous les soirs à son journal. Mais même là, si on est un écrivain né, c'est-à-dire qu'on a le goût de décrire les gens, de les comprendre, de les mettre en scène, l'écrivain se mêle au journaliste. Et quand vous écrivez un roman, comme par exemple celui-là, qui n'a rien à voir avec un reportage, Fortune Carrée est le fruit, par exemple, d'un reportage sur les marchés d'esclaves dans la mer Rouge. Même Les Cavaliers, c'est l'Afghanistan en soi, avec ses légendes, avec ses beautés. Le Lion, c'est une histoire fictive, mais qui se passe dans un endroit précis, qui est presque photographié. Là, c'est toute une société avec un foisonnement d'aventures, un foisonnement de personnages, quelquefois presque comme un roman policier, mais c'est tout de même un reportage, puisque c'est le fruit d'une observation de 10, 15, 20 ans sur la société qui nous entourait. Même Proust est un reporter. Proust, quand il parle du côté des Guermantes, quand il parle de l'homosexualité, quand il parle des jeunes filles en fleurs, de tout, c'est un reportage. Joseph Kessel, interrogé par Yves Mourouzi en 1974. Bonjour Dominique Missica. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est pas facile de faire la part des choses entre le journalisme et la littérature chez Kessel. C'est deux genres qui se mêlent étroitement. Est-ce que vous diriez qu'il est un poète en même temps qu'il est un grand reporter ? Il est un génie, moi, je crois. Carrément, un génie. Mais je crois qu'il a mille facettes. On peut pas le rentrer dans une catégorie. Oui, il est journaliste, oui, il est romancier, oui, il est un combattant, il a été aviateur, il est un ancien combattant, il a fait deux guerres, c'est un voyageur, un aventurier, un grand amoureux, ben, il est tout à la fois. Moi, je refuse de le classer et de le faire rentrer dans une catégorie supérieure ou inférieure. Je le trouve génial quand il dit que Proust est un reporter. C'est vrai, ça, vous adhérez ça à cette idée que Proust est un reporter en chambre. Alors, c'est vrai qu'il écrivait beaucoup pour obtenir des tas de renseignements véridiques. Oui, c'est un tableau. Si on est historienne et comme je le suis, on peut lire aussi Proust comme le témoin de son époque. C'est ce qui est aussi le cas de Kessel. Il est le témoin de son époque. Donc pourquoi est-ce qu'un écrivain, un romancier ne serait pas aussi journaliste quelque part? J'aime pas ces frontières. Donc moi je dis c'est un tout. On aime Kessel ou on n'aime pas Kessel, mais si on aime Kessel, on prend tout. On prend tout et on le prend avec un grand plaisir. Quand on lit les reportages de Kessel, aujourd'hui encore, on ne se lasse pas du tout, alors qu'on connaît tout de la planète, qu'on a l'impression que grâce à Internet, par exemple, on sait absolument tout ce qui se passe, on a des images de tous les pays qu'il a visités. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le plaisir de la lecture est toujours intact, malgré le fait que ça n'est plus tellement la découverte maintenant qui est le moteur de la lecture? Parce que il obéit, il l'a dit lui-même, il est le témoin, témoin parmi les hommes. Et ça, c'est sa immense qualité, c'est que il décrit pas seulement des lieux, il ne décrit pas seulement des faits, il décrit des hommes et il est témoin des hommes, il les aime, et les truands évidemment en particulier, les aventuriers, les malfrats, les salauds, oui, ok, il les aime, mais il aime les hommes et les héros aussi bien sûr, mais il aime les hommes, il aime les raconter, il aime les décrire, il aime les dépeindre, et ça c'est universel, donc que ça se passe au fin fond de l'Abyssinie ou de l'Oural ou de sur les rivages de la mer Rouge, peu importe, on est saisi par ce style, cet emportement, et puis il obéit quand même à une règle qui est qu'il n'a jamais oubliée: un portrait, une atmosphère, un dialogue. Donc chaque page, il y a toujours un souffle, une audace, un rythme aussi. Il écrit à toute vitesse, c'est vrai, on lui a reproché, mais il écrit à toute vitesse, mais c'est aussi le rythme de sa vie, de sa frénésie, de sa soif de découvrir. Moi, je suis toujours émerveillée, et c'est vrai que chez Talandier, comme vous l'avez rappelé, on a, grâce à l'idée absolument fabuleuse de Jean-Claude Silberstein, réédité ces grands reportages dans la collection Texto, donc ils sont disponibles en version poche, et dedans on a un choix absolument immense de ces reportages. Alors c'est très intéressant parce que dans chacun des volumes de ces reportages, on a l'impression que vous avez, alors c'est temporel, hein, enfin vous avez choisi des décennies à peu près par volume. Oh. Ou peut-être un petit peu moins, mais on a le sentiment que à chaque fois, on a dans chacun des volumes comme le travail préparatoire à ce qui deviendra ensuite un roman. Par exemple, dans le volume intitulé « Instant de vérité », oui, c'est comme si on avait la matière première du roman « La vallée du rubis ». Dans le volume que vous avez publié sous le titre « Le jeu du roi », on a l'impression que c'est le documentaire de son roman « Les cavaliers ». Je crois même qu'il le dit en introduction. Oui. C'est l'Afghanistan 56, c'est son reportage. Ah ben c'est ce qu'ont expliqué à la fois Serge Linkès et Gilles Rey, c'est que il recycle. Alors si on était méchant, on dirait qu'il recycle. Hein. Ça c'est vrai. Mais on n'est pas méchant. Et on n'est pas méchant, on est admiratif et complètement. Non, ce qu'il y a de vrai, c'est que on lit que ces articles sont parfois des ébauches des débuts de romans. Et comme il le dit lui-même d'ailleurs dans son interview, il enregistre, il photographie les lieux, les personnages, les moments, et il va s'en servir soit pour un reportage, soit plus tard pour un roman. Soit carrément, alors moi c'est un des textes qui me touche beaucoup, justement dans les instants de vérité, c'est cette découverte des alcooliques anonymes à New York. Ça c'est très impressionnant parce que il est quand même, on l'a dit et redit, un amateur de vodka et autres drogues pour la nuit, mais il est fasciné par cette méthode qu'il découvre à Brooklyn des alcooliques anonymes, et c'est lui qui introduira cette méthode en France pour en grande partie sauver sa dernière épouse, Michèle O'Brien, qui souffrait d'alcoolisme. Est-ce qu'il n'est pas un peu sociologue, pardonnez-moi, quand il fait ça, justement? Oui, parce que tous ces articles qu'il a réunis sous le titre absolument fabuleux, parce qu'il a quand même un génie du titre, hein, parce que tous ces articles, tous ces reportages, il les a publiés sous le titre « Témoin des hommes ». Il a cette idée de tout regrouper, et il les publie. Il est sociologue, il est un observateur très fin, très sensible de la réalité, quelle qu'elle soit. Qu'il soit dans les bas-fonds de Berlin ou qu'il soit parmi les Russes blancs de Paris, auprès des combattants irlandais en 1920, ou dans la misère de Harlem, ou les paillettes de Broadway, ou même à Hollywood, son texte Hollywood Mirage, où il est d'abord fasciné, puis après il déteste cette ville artificielle. Il se conduit comme l'observateur le plus attentif et le plus fin qu'un sociologue, un historien, un journaliste pourrait effectivement lui envier d'être. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et quand il assiste au procès de Pétain ou au procès de Nuremberg ou au procès d'Eichmann, il est là aussi. Alors il est toujours engagé quand même. Il a beau dire tout est vrai, il est engagé. Il n'est pas un spectateur froid, et évidemment, mais il est aussi chroniqueur judiciaire. Il est un excellent chroniqueur judiciaire, ce qu'il aurait pu être aussi comme d'autres. Moi je trouve que c'est ça qui, il a une palette absolument fabuleuse. Et c'est ce qui fait de lui sans doute un aventurier. Pour moi, il y a deux catégories de véritables aventuriers. La première est très restreinte, ce sont les gens désintéressés, ce sont les grands navigateurs, ce sont des savants plus que des aventuriers. Mais les Vasco de Gama, enfin tout ça. Mais l'aventurier a toujours été guidé par le fric. Cortés a conquis le Mexique pour de l'argent. Tous les grands conquistadors ont été menés pour l'argent. Et le dernier, enfin c'est pas... Il n'est pas de cette envergure, mais tout de même, ça a été un grand aventurier. Mon frère l'a fait pour de l'argent, il l'a dit lui-même. Et ça, ce sont des professionnels. On aime l'aventure, on aime cette espèce de frisson de danger. On n'aime pas la peur, mais on aime le sentiment de sécurité après la peur. C'est ce qu'on cherche. Et plus, alors, il y a la curiosité. La curiosité quand on aime les pays difficiles, et parce qu'ils sont vierges, parce qu'ils sont beaux, quand on aime les gens dangereux, on les appelle des primitifs, ils sont quelquefois plus... Enfin, ils ont une culture autre que la nôtre, parce que là aussi, ils sont vrais. Alors, il y a l'attrait de ça, et puis il y a l'attrait du danger, ça c'est sûr. Alors c'est un aventurier, Kessel, il reconnaît lui-même ce terme, pas évidemment un aventurier pirate, pas un aventurier pour de l'argent, mais un aventurier de la découverte. Ça ne l'empêche pas d'admirer justement ceux qui sont un petit peu des pirates, comme Monfred, dont il était question dans cet archive. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'Henri de Monfred avec vous, Dominique Missica, parce que Il en est question dans un certain nombre des reportages de Kessel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qui était ce personnage fascinant ? C'est vraiment la définition de l'aventurier. Hein. Il part à la fois, il part loin de la France parce que il a été refusé à Polytechnique, il a dilapidé une grande partie de la fortune de sa famille, il sait pas quoi devenir, et il va devenir un trafiquant d'armes, de haschich, de toutes choses, d'argent, enfin tout ce qui peut rapporter de l'argent le fascine et l'occupe. Kessel, quand il va le rencontrer, va l'appeler le vieux pirate. Le dandy pirate, même, je crois. Oui. C'est-à-dire que il faut raconter quand même, parce que ça, c'est assez fabuleux, c'est la rencontre entre Kessel et Henri de Montfred. Kessel, à l'automne 29, se voit confier par Le Matin une mission dont rêverait n'importe quel grand reporter aujourd'hui, celle de rapporter un sujet qui arrache le lecteur, et l'administrateur du Matin lui dit vous avez carte blanche pour le sujet, le temps, la dépense. Bon, alors ça, quand on dit ça à Kessel, c'est vrai que ça va être un des grands reportages qui va coûter le plus cher, puisque je crois qu'il avoisine à peu près 1 million de francs. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, disons, qu'il avait carte blanche et tous les moyens nécessaires à ce reportage. Voilà, donc c'est vrai que ça va inclure de payer des guides, de louer des chameaux, de sans doute soudoyer pour avoir des billets. Enfin bon, bref, on ne veut pas savoir comment il a réussi son reportage, mais ce qu'il sait, c'est qu'il peut pas partir comme ça tout seul. Il propose le sujet qui est absolument fabuleux, ça je dois le dire, c'est le trafic d'esclaves en mer Rouge entre la Corne d'Afrique et l'Arabie. Donc il a un sujet en or, mais il a conscience qu'il peut pas partir comme ça tout seul si loin pour mettre la main et trouver ces marchands d'esclaves. Donc il recrute une équipe. Donc là, en effet, il a besoin d'argent. Il part avec un lieutenant de vaisseau et un médecin militaire. Et le guide qu'il lui fallait, c'est Henri de Montfred, qui a 20 ans de plus que lui, qui est donc déjà bien installé dans son métier, dirons-nous, mais qui va être un guide qui va permettre à Kessel de vraiment faire un reportage absolument pendant 4 mois, qui va doper les ventes du Matin, puisque on dit que 150 000 exemplaires supplémentaires sont vendus chaque jour, puisque les reportages sortent comme un feuilleton. Et c'est vrai que c'est un reportage qui fait date. Kessel est déjà célèbre, hein, en 1929. On n'en voit pas un jeune débutant. Il a déjà publié L'Équipage. Il a déjà traversé le monde pour les besoins de la presse. Mais là, c'est vrai que c'est un reportage qui fait date et qui provoque un véritable choc. Et peut-être aussi à cause de la personnalité d'Henri de Montfred, qui a peut-être été lui-même d'ailleurs chasseur d'esclaves. Ça devait beaucoup attirer Kessel de savoir qu'il y avait des eaux troubles à traverser avec Henri de Montfred. Oui, parce que trafiquer des armes, du haschich, c'est une chose, ou de la verroterie, c'est une chose, mais du trafic de personnes, c'en est une autre. Et c'est là où Kessel le dit lui-même, il n'est pas un aventurier de la trempe d'Henri de Montfred. Il n'empêche que Kessel est fasciné par Henri de Montfred et va l'encourager. Et c'est ça qui est assez sympathique, c'est qu'il va encourager Henri de Montfred à écrire ses souvenirs et à raconter ses aventures. Et ça, je trouve que c'est aussi le signe d'une très grande générosité. Si Henri de Montfred lui a ouvert les portes de l'Abyssinie, il a en échange, Kessel, qui s'est beaucoup servi du personnage d'Henri de Montfred dans ses reportages, lui dit « c'est à vous d'écrire votre propre histoire ». Et ça, je trouve que c'est aussi être sensible aux hommes qui vous entourent. Il n'est pas simplement quelqu'un qui va se servir de ce guide, il va en retour l'aider aussi à peut-être à quitter un peu les rives dangereuses du trafic pour l'écriture. En 56, j'ai, après avoir été en Birmanie, après avoir été aux Indes, après avoir été au Kenya, j'ai pensé aller en Afghanistan. Là, il y a eu tout de même quelque chose de particulier. Souvent, je m'étais dit, ou au Kenya, ou surtout en Birmanie, que j'aurais dû emmener avec moi un opérateur de cinéma, parce que il y a des choses que la pellicule dit mieux que le papier. Et il se trouvait qu'un producteur jeune et entreprenant, et qui a fait beaucoup parler de lui depuis, qui a fait des films dont tout le monde a parlé, et qui s'appelle Georges de Beauregard, a eu confiance et m'a permis de choisir une équipe. Et alors qu'en reportage on passe vite, là j'ai été forcé par les obligations du film à rester 3 mois et à étudier à fond certains aspects de la vie afghane. Et c'est sûrement à ce moment-là que, mais toujours inconsciemment, comme pour Le Lion d'ailleurs, Le Lion je l'ai écrit 4 ans après avoir été au Kenya, il faut une espèce de décantation, que le besoin inconscient est né d'écrire un livre au sujet de ces gens, au sujet de ces coutumes, au sujet de ces paysages. Et je ne l'ai commencé que 5 ans après. Et c'est après l'avoir fini, c'est d'ailleurs ça la part inconsciente de l'écriture, je me suis aperçu que sur le vieillissement, sur le besoin de se dépasser, sur la vanité de la renommée, sur l'amour, sur la mort, sur la sagesse, ce pays m'a permis de dire des choses que je n'aurais pas pu dire autrement et dont je me suis aperçu qu'elles étaient les assises actuelles de ma vie. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Missika pour parler de Joseph Kessel et de ses reportages. En l'occurrence, dans l'archive qu'on vient d'entendre, il était question du Jeu du Roi, l'un des reportages que vous republiez donc aux éditions Talendier, Dominique Missika, ce Jeu du Roi qui était le Bouskashi, hein, ce jeu dont on a parlé hier avec Serge Linkes. Et alors Kessel commence son reportage en évoquant le cinéaste qu'il a accompagné, qui n'était autre que Pierre Schandorfer. Il en parlait également dans l'archive. Schandorfer, qui avait lu Fortune carrée dans sa jeunesse, et ce livre lui avait indiqué, avait-il confié plus tard, le chemin de la vraie vie. Et ça me conduit à deux réflexions. D'abord, c'est vrai que dans les reportages de Kessel, il y a toujours un chemin vers la vie, quelque chose d'un petit peu philosophique, de la même manière qu'il parle des assises actuelles de sa vie à la fin de l'archive. Et puis aussi, dans ses reportages, il y a toujours un petit peu le making-of. Il dit avec qui il est parti, il dit quelles ont été les difficultés pour monter le reportage. Donc il y a un petit peu ces deux choses-là, Dominique Missika. Oui, il a à la fois cette je sais pas comment dire quand il dit ce que tout ce qui est écrit est vrai, en toute conscience je n'exagère pas, dit-il souvent quand il préface il préface la réédition d'un de ses reportages, ou bien il dit il aime bien expliquer dans quelles circonstances il a écrit et il a pensé à ce thème. Et ça, je trouve que c'est une grande force aussi. Il a cette capacité d'analyser sa propre création, comment il travaille. Il est comme un photographe de lui-même aussi. Il sait que comment ses qualités, ses défauts. Il écrit vite, oui. Il écrit d'un seul jet, oui. Mais il écrit quelque chose qui l'a touché à un moment donné. Et ça peut être un homme, une fois de plus, qui l'a vu 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tôt, mais qui, là, tout d'un coup, l'émeut à nouveau et il cherche en lui. C'est pour ça que il est d'une très grande sensibilité et sous ce, parce qu'on le voit souvent, on le dit, son surnom c'était l'empereur, ses confrères de la presse l'appelaient l'empereur, on le surnomme le lion parce qu'il était comme un colosse immense avec une crinière blanche dans les années 60 en effet, mais il a tout l'air d'un colosse, mais en fait c'est un être extrêmement délicat et sensible, et c'est ça que j'aime quand on l'entend parler de son processus d'écriture, c'est que ce n'est pas si simple, ce n'est pas si automatique et si spontané que certains ont voulu croire. C'est le fruit d'une longue maturation, et quand il dit voilà, bah c'est à une époque de ma vie, 56 ans, c'est un homme vieillissant qui s'interroge sur le sens de sa vie, et il l'avoue, et je trouve que avouer ses propres faiblesses, c'est un signe d'une très grande intelligence et lucidité. Est-ce que, par exemple, dans ce reportage en Afghanistan de 56, le jeu du roi, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut se servir des textes de Kessel comme de documents? Est-ce que pour vous, il y a de l'ethnologie aussi qui peut être faite à partir de ces textes? Est-ce que des ethnologues, d'ailleurs, se sont, à votre connaissance, intéressés à ces reportages? Alors, ça, je serais bien incapable de vous le dire, mais ce que je sens, c'est que ce qu'il décrit quand il y va en 1956, c'est sans doute ce que les ethnologues à l'époque peuvent voir et étudier, et que lui il regarde ses cavaliers avec l'œil d'un journaliste et non pas d'un ethnologue. Il ne cherche pas l'érudition pour et savoir quels sont les rites de ces cavaliers. Il cherche à nous les faire comprendre, connaître, aimer et découvrir. Il n'est pas dans la démarche de l'ethnologue, donc peut-être que les ethnologues prendront par-dessus la jambe ces descriptions. Je crois pas, parce que je pense que c'est le reflet aussi de la sensibilité de l'époque. C'est la manière dont en 56 un grand reporter peut voir ses cavaliers. Qu'est-ce qu'il en sait? On n'en sait peut-être pas beaucoup. Et Kessel, effectivement, n'est pas homme à se documenter pendant 6 mois auparavant, avant de les rencontrer. Il est direct. Il est dans le. C'est d'ailleurs pour ça que il aime être avec être avec un cinéaste, comme il a aimé être avec un photographe, Jean Moral, quand il va suivre la guerre d'Espagne, parce que l'instantané est ce qui lui plaît. Il n'est pas, on lui reprochera, il n'est pas dans la réflexion, il est dans l'instantané. Mais l'instantané ne veut pas dire qu'il ne saisit pas ce qui est vrai et ce qui se passe sous ses yeux. Alors Kessel est toujours là où les autres ne vont pas, aux quatre coins du monde, mais aussi en France, pendant la guerre. Alors il faut rappeler d'abord qu'il a été à Dunkerque pendant le fameux épisode de la poche de Dunkerque. Et puis il y a aussi les reportages sur l'occupation qui sont extrêmement intéressants et puis extrêmement prenants aussi, Dominique Missika. Est-ce que Kessel est aussi ce journaliste de la guerre et ce journaliste de la Seconde Guerre mondiale en particulier? Oui, alors je pense qu'il est toujours le même, quelle que soit la situation, le lieu, et le moment. Donc, quand il est correspondant de guerre en 1940, il est d'abord sur la ligne Maginot et il essaye de cantonner. C'est là où il est très fort, parce que les correspondants de guerre sont cantonnés derrière la ligne Maginot et il n'est pas question d'aller interroger les soldats qui stationnent et s'ennuie pendant cette fameuse drôle de guerre. Mais lui réussit à contourner les interdictions, et c'est là où il a ce talent de grand reporter, d'aller là où c'est interdit. Et c'est vrai que un des généraux de l'armée française lui dira, vous m'en avez plus appris que ce que mes hommes me disent. Donc il est sur le front. Il ne s'intéresse pas à la bataille militaire en tant que telle. Une fois de plus, il s'attache à décrire ce que les hommes ressentent, ce que les hommes vivent, la manière dont ils combattent, cette fameuse fraternité que lui-même a connue pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'aviateur. Il aime cette fraternité des soldats dans les combats, et ça, il sait très bien les rendre. C'est pas lui qui va faire des grands discours sur fallait-il construire la ligne Maginot ou pas. Il va jamais polémiquer sur ce genre de sujet. En revanche, il voit que les soldats français se sont battus, contrairement à ce qu'on a dit. Il y aura d'ailleurs 90 000 soldats tués pendant le mai-juin 1940. Et là, il est au plus près des hommes qui se battent et qui essayent effectivement, dans cette fameuse poche de Dunkerque, d'embarquer et de fuir l'avancée des troupes allemandes. Est-ce qu'il va être l'écrivain de la France libre aussi, par exemple, quand en mars 1943, il rédige un article intitulé « Comment est mort le maréchal Pétain ?» où il explique finalement l'évolution des Français et puis aussi sa propre évolution dans leur rapport avec celui qui était le vainqueur de Verdun. Lui-même, au début de la guerre, ne sait pas très très bien comment se positionner par rapport au maréchal Pétain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Son hésitation dure peu de temps, puisque en 1940, il va passer à Vichy en juillet 40, 8 août 40, où on lui propose même de travailler pour le gouvernement de Vichy, et bien sûr il dit non. Il a l'intuition très rapidement que ce gouvernement de Vichy, qui édicte le statut des Juifs, et il est directement visé par le statut des Juifs, va être celui de la Révolution nationale, et qui va être anti, qui va lutter contre l'anti-France dont il est soi-disant un symbole. Non, je crois que Kessel est très sensible à ce qui se passe, encore mieux que à l'évolution de l'opinion vis-à-vis de Pétain. Il voit, il assiste à Marseille à l'entrée des Allemands en zone libre. Et là, il voit à quel point la France est brutalisée et anéantie par l'occupation allemande. Et c'est pour ça que il aura d'autant plus à cœur de dire que Pétain n'est pas ce sauveur de Verdun qui a protégé la France en juin 40, comme certains ont cru le penser, ont voulu le croire. Non, je crois qu'il est d'emblée atterré par cette défaite, cette débâcle. Il va chercher à lutter contre l'occupant, et en particulier il va avant d'entrer dans la résistance, de trouver la clé d'entrée de la résistance, il va écrire Les Mots de rue, qui est un roman moins connu de Kessel, mais que moi j'aime beaucoup, et qui raconte justement la défaite de juin 40, avec une famille qui se déchire entre un père qui accepte la présence de l'occupant allemand et un fils qui va rejoindre Londres. Donc il a tout de suite cette fibre patriotique qui s'anime en lui et qui lui fait refuser la défaite et la collaboration. C'est presque un roman un peu préparatoire à l'Armée des Ombres. Absolument, oui. Il est au chômage, puisque en fait la presse, d'abord, ses livres sont interdits par la liste Otto-Abetz, donc ses livres sont interdits à la vente. La presse, par définition, ne va pas faire appel à un journaliste juif, russe, immigré, ça il n'en est absolument pas question. Donc il est privé de publier, et pour lui c'est une souffrance. Il se sent inutile s'il ne peut pas écrire, s'il ne peut pas être publié, s'il ne peut pas circuler. Que faire? Donc il va s'enfermer dans la maison de Germaine Sablon et écrire ce premier roman romans, les mots de rue qui seront publiés après-guerre, mais qu'il écrit pendant l'année 40-41. Donc, il ne perd pas sa plume, loin de là. On va revenir un tout petit peu en arrière dans les années 30 pour entendre Kessel parler de sa rencontre avec Hitler. Et puis, vous allez nous dire ensuite ce que vous retenez de cette archive. Je l'ai vu comme je vous vois, c'est-à-dire à un mètre de distance, pendant une réunion électorale qu'il fit à Düsseldorf. La réunion se tenait dans une immense salle d'usine qui tenait au moins 25 000 personnes. On l'avait glorifié pendant une heure avant son arrivée. Goebbels et Göring avaient parlé. Et il y avait dans cette immense nef de ciment un silence religieux comme si on avait attendu le Messie. C'est sans doute en partie cette attente qui a causé ma désillusion. J'ai vu monter sous un orage d'acclamations, dans une espèce d'hystérie, de délire passionnel, un homme à figure très pâle, le nez en l'air, une petite mèche sur le front, habillé d'une façon quelconque, et qui vraiment ne semblait pas justifier cette espèce d'idolâtrie. Et puis il s'est mis à parler. Et alors là, j'ai été déçu encore davantage. La voix était criarde, coupée. Il ne disait que des banalités. Et chacune de ses phrases soulevait l'enthousiasme. Et peu à peu, il s'est mis en transe. Et alors là, j'ai commencé à comprendre l'empire qu'il exerçait sur son public. Il était tellement infatué, amoureux de lui-même, tellement persuadé de son propre magnétisme et de son propre pouvoir, que peu à peu, il le communiquait aux autres. Et à mesure qu'il criait « Moi, moi, moi, l'Allemagne c'est moi, l'Allemagne c'est vous, moi, vous, je ferai de vous l'Allemagne et je vous entraînerai à ma suite vers les grandeurs », il les intoxiquait complètement et exerçait sur eux une espèce d'hypnotisme. Et ce qui fait aussi de Kessel un grand reporter, journaliste, c'est son sens du portrait. On l'entend très bien dans cette archive, Dominique Missica. C'est quand même d'une précision, d'une densité, d'une condensation, je dirais. Il y a peu de lignes pour décrire aussi bien Hitler tel qu'il apparaît dans les années, en 32-33, au moment où Kessel le voit. Mais je trouve que c'est une intuition fabuleuse de ce que Kessel. D'ailleurs, Kessel ajoutera ça promet en commentant. Bah oui, ça promet, c'est-à-dire qu'il a vu qui sera Hitler. Je trouve que c'est avec une écriture, une économie de mots, un sens du portrait qui montre, et on voit très bien que c'est une caméra subjective, parce qu'il dit lui-même, bon, au début, j'ai vu un homme frêle, etc., et tout, et puis petit à petit, j'ai compris qui il était. Donc, c'est aussi l'exemple de sa fameuse méthode de travail, c'est cette caméra subjective qui vous fait pénétrer dans un lieu, une atmosphère, parce que là, on a la salle, on a le décorum, on a la situation. Moi, je trouve que ce sont des modèles de journalisme, très, très sincèrement. De la même manière qu'il saura décrire aussi les bas-fonds de Berlin. Moi, je trouve que c'est un de ses plus beaux textes en 1932 sur les bas-fonds de Berlin, où comme il prendra la passante du Sans-Souci, cette actrice, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire absolument magnifique d'une jeune vedette de l'opéra, d'une jeune cantatrice qui a fui l'Allemagne parce que son mari juif a été arrêté par les nazis et qui chante dans des cabarets pour survivre avec son fils réfugié à Paris, et que Kessel rencontre, et il va avoir suffisamment de sensibilité pour écrire comme s'il était cette femme qui errait dans les rues, dans les nuits de Pigalle pour gagner quelques francs. Et je trouve que Kessel a senti la montée du nazisme mieux que d'autres, et en tout cas avec une très grande finesse, et ça vaut la peine. C'est pour ça que je trouve que ça vaut toujours la peine de le relire. Parce ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le relire, de relire ces reportages des années 30, de l'entre-deux-guerres. C'est aussi le moment, venons-en donc à Germaine Sablon, où il rencontre cette femme, cette chanteuse de music-hall, avec laquelle il va entretenir une liaison pendant une dizaine d'années. Vous avez donc consacré, Dominique Missika, à cet amour un livre qui vient de paraître, enfin qui est paru en mai dernier aux éditions du Seuil, Un amour de Kessel. Alors comment se sont-ils rencontrés tous les deux? Et puis qui était donc Germaine Sablon, qui était une chanteuse, pas tout à fait une star, mais enfin presque quelqu'un qui avait une certaine notoriété? Bien, c'est-à-dire que tout commence un soir à Pigalle d'octobre 1935, où Kessel, à son habitude, passe ses nuits de cabaret en cabaret. Il est dans un de ces cabarets qu'il affectionne, accompagné de sa maîtresse du moment, qui s'appelle Katia, qui est une jeune russe blonde, pétillante, qu'il a rencontrée 5-6 ans auparavant, et qui forme un couple, alors presque régulier. Ils vivent ensemble, ils habitent boulevard Lannes, un grand appartement, donc elle est la compagne officielle, dirons-nous. Et ce soir d'octobre 1935, quand Kessel entend et voit Germaine Sablon chanter dans ce cabaret de Pigalle, il tombe amoureux. C'est le coup de foudre. Alors, on peut l'écouter chanter un petit peu, après vous allez absolument nous expliquer la suite. Oui, bien sûr. Paris est à nous, de chacun il est l'ancêtre, chaque mur, chaque toit, chaque rue, chaque poteau est fait par un Français pour la joie et le bien-être de ses fils et ses amis, mais pas pour l'ennemi. Sur le parvis de Notre-Dame, on sent passer le souffle du vieux temps. La Seine roule sa mémoire, chaque pierre est un peu d'histoire, chaque pavé un monument. Ça vous fait quelque chose d'entendre cette voix? Vous la connaissez par cœur, évidemment, mais enfin, c'est toujours un événement. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire, parce que Germaine Sablon, à l'époque, dans les années 30, quand il la rencontre, est une vedette du music-hall et de la radio. C'est vraiment une star quand même, qui fait la une des magazines, qui est photographiée, qui est suivie. Les articles sont très nombreux dans la presse chaque fois qu'elle se produit sur la scène de l'ABC ou des Folies Bergères ou dans tel cabaret réputé de Paris. Bon, elle est complètement oubliée. Bon, ça c'est... Je l'avoue, elle est complètement oubliée. C'est même une vedette du cinéma. Alors, elle tourne dans des films qui, certes, n'ont pas marqué l'histoire du cinéma, comme Le Truc du Brésilien ou Au Soleil de Marseille, mais ça en fait une vedette populaire, donc elle est connue. Son frère aussi est connu, on s'en souvient encore un peu mieux d'ailleurs de Jean Sablon. Absolument, c'est son petit frère Jean Sablon, parce que c'est une famille de musiciens. Elle a, son père est un des a composé la mélodie de la chanson de Craon. Ses deux frères sont chefs d'orchestre et compositeurs, et son petit frère Jean Sablon, dès les années 30, est une star aux États-Unis, en Angleterre, et elle est moins connue, mais elle est très populaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc sortir, tomber amoureux d'une vedette, c'est pas rien pour Joseph Kessel. De même que pour elle, c'est tomber amoureuse d'un écrivain prestigieux, d'un grand reporter. Donc on l'a vu qui fait grimper les ventes vente de tous les journaux qui se l'arrachent. Ses livres sont adaptés au cinéma, l'équipage. Il participe à des, il est scénariste. Donc, aussi, c'est le moment un peu vedette de ce couple qui vont à Saint-Tropez, où ils voient Cocteau, Colette, tout ça, la Côte d'Azur. Et c'est Germaine qui mène un petit peu le bal quand même. C'est-à-dire que c'est une femme forte aussi et elle décide de son emploi du temps. Donc il y a un côté couple moderne un petit peu. Absolument, avec c'est à la fois un couple people, hein, on peut le dire. On dirait aujourd'hui qui serait dans Paris Match ou dans Gala, je sais pas. Et elle a un sacré tempérament. C'est une femme libre. Elle est mariée, elle a deux fils, mais elle est séparée de son mari. Elle mène sa carrière tambour battant. Elle pilote des avions. Elle conduit. Elle fait de la chasse sous-marine. C'est un sacré tempérament. Sont deux oiseaux de nuit, ça c'est sûr. Ce sont des staccanovistes de la fête, disiez-vous. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, par définition, Kessel est un habitué des cabarets. Je vous rappelle que même il y a un cabaret qui s'appelle La Nuit des Princes, tiré d'un des titres de ses romans. Il a tellement aimé les tziganes, boire de la vodka, casser des verres. À la limite, se bagarrer aussi, c'est tout à fait possible. Et elle, évidemment, elle aussi, c'est la nuit où elle chante dans les cabarets de Pigalle, de Montmartre, de Montparnasse. Dans la journée, elle est sur Radio Paris, elle anime des émissions de radio, elle fait des ventes dans les grands magasins. Enfin bref, et ils mènent la Dolce Vita, hein, tous les deux, c'est clair. Ils ont des amis. Alors, ils mènent la Dolce Vita, mais enfin, ils n'oublient pas quand même, et surtout elle d'ailleurs, quand arrive la guerre, de s'engager et de participer. Elle n'aurait pas imaginé, Germaine Sablon, de ne pas participer à la guerre. Elle va le faire d'ailleurs de multiples façons, Dominique Missica. Absolument, c'est ça qui m'a plu aussi dans leur histoire d'amour, c'est que c'est une histoire d'amour et de guerre. C'est-à-dire qu'elle s'engage comme ambulancière dès mars 1940. Elle sera blessée d'ailleurs dans les combats en mai 40 en Lorraine, pendant que Kessel, lui, est correspondant de guerre. Donc déjà dès 40, elle sait que elle se porte candidate pour être ambulancière. Auparavant, elle a chanté quand même pour le théâtre aux armées. Elle est allée soutenir le moral des troupes le long de la ligne Maginot. Et Kessel avait d'ailleurs écrit un article là-dessus, si je ne me trompe. Oui, c'est absolument parfait. Ça fait la une de Paris Soir. Et il raconte la tournée triomphale de sa maîtresse lors d'une soirée absolument déchaînée pour les soldats de la ligne Maginot. Donc, ils sont tous les deux engagés. Mais c'est elle qui s'engage la première dans la résistance. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que elle rencontre André Girard, qui est un affichiste, un publicitaire des années 30 qu'elle connaissait puisqu'il avait réalisé des affiches de ses spectacles. Et André Girard, qui est le futur père de Daniel Delorme, a commencé à réunir des amis en qui il a confiance, des officiers surtout de l'armée, sur la Côte d'Azur pour constituer le réseau CARTE. Et il va enrôler immédiatement Germaine Sablon, en partie aussi parce que elle a une maison à côté de Saint-Raphaël, à Aguet, qui est juste à côté de la mer et qui lui permet d'aider à embarquer les agents qui vont ou qui reviennent de Londres, puisque le réseau CARTE auquel André Girard est affilié est un réseau affilié lui-même au service secret britannique. Alors par ailleurs, Kessel lui est approché d'abord par d'Astier de la Vigerie. Finalement, il décline et ensuite ensuite par le réseau Carte, mais d'une autre manière, ce qui fait que pendant un assez long moment, tout de même, Germaine Sablon, d'un côté, est résistante, Kessel est résistant aussi, ils sont dans le même réseau, mais Germaine ne lui dit pas, elle va mettre très longtemps à lui dire qu'elle est également résistante, tout simplement pour assurer une sécurité maximale, c'est ça, Dominique Missik? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne fait pas confiance à son amant, elle sait que ivre, il est capable de raconter n'importe quoi. D'ailleurs, il va pas s'en priver, elle va être obligée de venir le chercher une nuit à Cannes où il fait du tapage et où deux gendarmes viennent le contrôler et il commence à raconter que sa maîtresse, Germaine, elle reçoit des résistants, etc. Bon, les gendarmes sont bon enfants et il les laisse repartir, mais enfin, elle a quand même très peur. Donc, d'un côté, Dastier de la Vigerie lui propose d'entrer dans le mouvement Libération qu'il a créé, qu'il a mis sur pied, sauf que Dastier de la Vigerie, avec lui, il a l'habitude de fumer de l'opium et il se dit, mais il va jamais réussir à monter un mouvement de résistance, là où il se trompe et il le regrettera amèrement, donc il donne pas suite à Emmanuel Dastier de la Vigerie. Et puis un jour, Germaine lui révèle qu'elle s'est engagée, parce qu'il commence à la soupçonner de ses allers-retours, commence à le rendre un peu jaloux, ses rendez-vous mystérieux. Et à son tour, sous le pseudonyme de Joseph Pascal, il va entrer dans le réseau Carte et se montrer un résistant extrêmement courageux, téméraire, aidant à l'embarquement des agents dans des felouques à destination de Gibraltar et de Londres. Et à quel moment, justement, eux rejoignent-ils Londres, où ils vont vivre également une vie tous les deux? Il va y avoir la rencontre avec le général de Gaulle, ça va être aussi le début de la fin de leur histoire, parce qu'il faut dire tout de suite que ça se termine assez mal. Les love stories se terminent mal, en général. Oui, et surtout celle-là, parce que la pauvre Germaine Sablon, apparemment, est quand même laissé sur le carreau de façon assez froide par Kessel. En tout cas, c'est ce qu'on comprend à la lecture de votre livre. Donc, comment se fait ce passage, finalement, à Londres? Eh bien, début décembre 42, un membre du réseau Carte s'est endormi dans le train avec la liste de tous les membres du réseau. Donc, il est urgent, le réseau est grillé, il est urgent de prendre la fuite. Donc, Kessel, avec son neveu Maurice Druon, qui était resté avec lui, avec Germaine Sablon, tous les trois... Donc, le fils de Lola, le frère Lola, qui s'est suicidé à 20 ans, dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Voilà, c'est son neveu, c'est un neveu qu'il aime beaucoup et qu'il encourage dans sa carrière littéraire. Et Germaine Sablon, Maurice Druon et Joseph Kessel vont prendre tous les trois la poudre d'escampette, traverser des Pyrénées extrêmement dangereuses par une température glaciale, la pluie, les patrouilles espagnoles, les patrouilles françaises, puis les patrouilles espagnoles. Mais ils vont réussir à gagner Lisbonne, d'où ils vont s'envoler pour Londres et arriver fin janvier 43, début février 43, et rejoindre enfin la France libre. Ils sont sains et saufs. Donc ils rencontrent de Gaulle à ce moment-là, et puis de Gaulle dit à Kessel, finalement, je ne sais pas très bien ce que je peux vous demander de faire, vous êtes quand même plutôt jeune, mais soyez donc l'écrivain de la France libre. Et c'est là qu'il écrit L'armée des ombres. Et puis aussi, il y a cette fameuse chanson, Le chant des partisans, que Kessel écrit en pensant que c'est Germaine Sablon qui va l'interpréter, ce qu'elle fera d'ailleurs. Oui, c'est assez extraordinaire. C'est un hasard et un concours de circonstances. Il n'empêche que Dastier de la Vigerie demande à Kessel d'écrire les paroles d'une chanson, parce qu'il dit chanter la Madelon pour la BBC, pour Honneur et Patrie, l'émission française de la France libre, c'est quand même assez stupide. La Madelon, enfin, c'est pas très nouveau. Il nous faut un hymne. Kessel dit qu'il n'a pas l'oreille musicale et qu'il ne reconnaît que la Marseillaise parce que tout le monde se lève. Mais il entend Anna Marley chanter dans un bar la complainte des partisans. La mélodie lui plaît beaucoup puisque c'est une mélodie russe. Germaine note cette mélodie, puisqu'elle est, elle a fait du solfège, donc elle sait. Et puis, un dimanche après-midi, Germaine Sablon tanne son amant de lui écrire des paroles pour une chanson, puisque un réalisateur, un de ses amis, Alberto Calvacanti, lui a dit « Je peux te donner un cachet si tu me chantes une ou deux chansons pour l'honneur de la résistance. » C'est un film de propagande qui doit partir aux États-Unis pour aider la résistance française. Et qui est celle, un dimanche après-midi dans une auberge où il passe le week-end avec Maurice Druon, grâce à trois notes sur un piano désaccordé, va écrire ces fameux, tous les deux vont écrire ces fameuses paroles du chant des partisans. Ils ont absolument pas conscience d'écrire cet hymne de la résistance, hein. Ils écrivent une chanson pour Germaine Sablon qui, dès le lendemain, et la première à enregistrer le chant des partisans. Voilà, ils vont s'en rendre compte au fond quand ils entendront justement dans les rues siffloter ce chant des partisans et parfois même chanter. Pour en savoir plus, on peut évidemment lire votre livre Un amour de Kessel, Dominique Missika. Merci d'être venu nous en parler et nous parler aussi de Kessel Reporter. C'est paru au Seuil en mai dernier. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique proposée aujourd'hui par vous, Alexis Broca, écrivain et critique littéraire. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, vous venez nous parler, évidemment, on s'y attendait, nous l'avons, de la rentrée littéraire, d'un événement de saison, pourrait-on dire. Et oui, la rentrée littéraire, cet événement propre à la France et que le reste du monde nous envie parfois, et qui pousse les éditeurs à présenter la fine fleur de leurs romans et à les envoyer s'entasser dans les rayons sans souci de distanciation sociale, dans un mouvement rappelant un petit peu l'immigration des Lemmings. Et pour les critiques qui ont eu ces romans un peu plus tôt, en général avant l'été, eh bien c'est le moment où nous piaffons d'impatience parce qu'on va livrer nos premiers verdicts. Ah, alors vous allez nous livrer à nous vos premiers verdicts. Eh bien écoutez, je trouve, du moins, je parlais juste de la rentrée française, c'est une très bonne rentrée française. Surtout par rapport à l'an dernier, une très bonne rentrée française avec beaucoup d'excellents livres. Je vais citer les Roses Fauves de Carole Martinez, un conte noir vénéneux sur le désir féminin, les Comédies françaises où Éric Reinhardt brasse beaucoup de sujets, le surréalisme, Internet, le romantisme, les Démons de Simon Liberati, un premier roman québécois très étonnant qui s'appelle La Trajectoire des Confettis sur les identités sexuelles, ou un autre premier roman qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Béni soit Sixtine. C'est une romancière qui s'appelle Maëlys Adémar, qui nous parle des catholiques intégristes de façon très fine. Et parmi ces très bons livres, eh ben, j'ai trouvé un chef-d'œuvre, vraiment. C'est le roman de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit, qui paraît aux éditions de Minuit en septembre. Alors, Mauvignier, vous le connaissez peut-être déjà, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a écrit notamment Dans la foule, qui était un roman choral virtuose sur le drame du Hézel, ou encore Autour du monde, où la narration sautait de personnage en personnage jusqu'à réaliser, en effet, le tour du monde. Bref, Mauvignier, c'est un écrivain qui expérimente, mais jamais dans le vide. Il a toujours une histoire à raconter. Et là, dans Histoire de la nuit, l'association expérience et expérience littéraire et narration fonctionne à fond. Alors justement, de quoi elle parle, ces Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier? Eh bien, ça commence tout doucement par la description d'une journée de la vie d'une famille paysanne qui vit dans un hameau qui s'appelle le hameau des trois filles seules. Il y a le père, Bergogne, qui est un agriculteur doté d'une large carrure et de lourds complexes. Il y a sa femme, Marion, qui est belle et qui est peu souriante et qui, de toute évidence, cache un passé et des mystères. Ils ont une petite fille qui s'appelle Ida et ils hébergent par ailleurs une artiste, une plasticienne qui fait une peintre qui s'appelle Christine. Et pendant 150 pages, Mauvignier va nous faire connaître de façon très détaillée, un peu comme dans un texte de nouveau roman, la vie de ces personnages, leurs secrets, leurs ambivalences. Et au bout de 150 pages, survient un événement à la fois parfaitement inattendu et bien préparé. Et alors, le roman de chronique sociale devient tout à coup un thriller. Et la ferme devient le lieu d'un huis clos vraiment digne de Tarantino, avec armes blanches et armes à feu. Et c'est là où Mauvigné réussit, à mon sens, quelque chose d'inédit, de très fort. Il met cette écriture très détaillée, très riche, très nouveau roman, au service d'une intrigue de roman noir. Et le résultat est vraiment prodigieux, parce que cette écriture permet à l'auteur de manipuler le temps à sa guise. Il peut, par exemple, l'étirer sur des dizaines de pages pour décrire quelques secondes d'action, mais il faut voir ce qui se passe pendant ces secondes-là. Il peut aussi rentrer dans les têtes de tous ses personnages et absorber leur langage tout en gardant le rythme très particulier de ses propres phrases. Et d'un côté, Histoire de la nuit est un thriller vraiment impossible à lâcher, comme si la vie des protagonistes dépendait de notre lecture. Et d'un autre côté, c'est vraiment un roman minuit, avec des choix formels radicaux. Et la grande, l'immense réussite de Mauvigné est d'avoir su marier ces deux éléments a priori opposés pour créer quelque chose de vraiment original, voilà. Et de vraiment accrocheur. Merci Alexis, Histoire de la nuit, c'est évidemment aux éditions de Minuit. C'était La Compagnie des œuvres, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Jean-Guilain Mège. Demain, avec Olivier Weber, nous parlerons du grand cycle romanesque de Joseph Kessel, Le Tour du Malheur. Dans un instant, les sciences sur France Culture.